Le lundi 21 novembre, ici Dominique Lelièvre et vos informations. Le nombre de salariés ayant recours à l'aide alimentaire est plus élevé à Québec qu'ailleurs. Selon Moisson Québec, 25 % des personnes ayant recours à l'aide alimentaire a des revenus provenant d'un emploi. Cette proportion serait plutôt de 10 % dans l'ensemble de la province. La directrice générale Hélène Côté a déclaré au journal Le Soleil que le taux d'emploi élevé dans la région de Québec ne disait pas tout et qu'il fallait également se soucier de la qualité des emplois qui sont créés. Or, les emplois à temps partiel seraient de plus en plus fréquents, de même que le nombre de travailleurs autonomes. L'ancien trésorier d'une association de hockey mineur a été trouvé coupable de fraude ce matin au Palais de justice de Québec. Gilles Boivin a plaidé coupable pour avoir fraudé la somme de 550 000 $ entre 2006 et 2012, alors qu'il était trésorier à l'association de hockey Québec-Centre. L'homme de 63 ans devra purger une peine de 2 ans moins un jour dans la collectivité. Le gouvernement Couillard injecte la somme de 30 millions de dollars dans les centres de la petite enfance. Le ministre de la Famille, Sébastien Proulx, en a fait l'annonce à Montréal en marge du lancement de la Grande Semaine des Tout-Petits. La somme représente 140 dollars par enfant qui fréquente un CPE ou une garderie subventionnée. Elle servira notamment à l'achat de matériel éducatif, ainsi qu'à la formation du personnel. Enfin, scène politique, Québec solidaire dit oui à la convergence des forces souverainistes, mais à certaines conditions. La porte-parole Françoise David a accepté la main tendue du Parti québécois en fin de semaine à l'occasion du Conseil national de la formation qui se tenait à Québec. La responsable a tenu à préciser qu'elle resterait ferme sur certains principes comme l'opposition aux hydrocarbures, le réinvestissement dans les services publics ou encore l'affirmation féministe. La députée de Gouin a par ailleurs mentionné être toujours en réflexion sur son avenir politique. Elle n'a pas voulu préciser si elle se présenterait ou non au prochain scrutin en 2018. La politicienne de 68 ans tient les rênes de Québec solidaire depuis 10 ans maintenant. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Faible neige intermittente pour aujourd'hui avec des températures stables à près de zéro. Pas d'accumulation de prévu côté neige. Présentement, on a 0 degré et la température ressentie avec le refroidissement éolien est de moins 4. Demain mardi, nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige. Également des vents d'ouest de 30 km/h avec rafale à 50. Et enfin, mercredi, ce sera le retour du soleil avec 4 degrés.